Sharon, tu fais la vaisselle, c'est ça? Comment ça, t'as entendu que je mettais la vaisselle, hein, que je lavais la vaisselle et que je mettais la table?